pose pas de questions avant la musique. La vie me passionne, je suis resté sur mes gardes depuis que Paul Fric l'a mis ce baston chez moi. Les fins de mois là se passent en 4 semaines. Dans le cardiaque des pattes pour faire des courses, la galère part d'elle-même. On s'accroche à des valeurs inestimables, contrairement à ce dealer qui perd 10 grammes. Du merci gras, ce manque de thunes là. Gamber, j'évolue, je comprends ce truc. Les années passent et maintenant j'en deviens perspicace. À ma place, on trouve le bonheur dans les choses simples, même si c'est paradoxal. Comme un voleur qui porte plainte. L'espoir dans ma cage thoracique, dans ma boîte crânienne. Quand je pense à nos racines, non, je n'y vois pas de paillettes. Du mal à mailler, ça peut te couiller. Dans la paranoïa, qui veut se mouiller, qui veut rouiller. Le projet paraloïa, pas moyen, y'a le choix entre tomber ou se relever. Avancer, regretter, en bref. L'espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Je ne pose pas de questions avant l'indique, la vie me passionne. L'espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Je vais faire ma place mais surtout pas où ta classe mérite. L'espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Je ne pose pas de questions avant l'indique, la vie me passionne. L'espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Si c'est comment la réussite, tu sais que ça se mérite. Je vis ma vie comme cette graine qui germe, qui se plante pas, n'a aucune chance de pousser. On se cultive, là c'est toi-même qui gère. Et nos racines, on lâchera pas, certains voudraient les couper. J'écris ce texte à l'heure où les darons s'endorment. Vu que les écrits restent et les paroles s'envolent. La pudeur, elle se fait rare, comme les tarifs en or. Alors, comme un maître coma, pas pressé que j'arrive en force. Ouais, tu sais c'est comment. La réussite, tu sais que ça se mérite. Je vais faire ma place, mais surtout pas où ta classe mérite. Je vois que les risques, on les mesure au fur et à mesure du temps. Tu crois nous avoir et à l'usure tu te plantes. À cœur ouvert, sous le soleil, ou quand il pleut l'hiver. Si le monde est contre nous, à nous de rester solidaires. Ça fait mal l'effet d'hiver, comme un petit qui a plus son père. Une mère qui a perdu ses repères, qui la surveille des prépubères. Respect à tous les vaillants, la tête haute malgré les chutes. On aime ce qui aime aller de l'avant, car c'est le flop d'après les juges. Paraîtrait que c'est dur la vie, mais ça dépend pour qui. Vis au jour, le moment présent, demain c'est aujourd'hui. Dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Je ne pose pas de questions avant l'indique, la vie me passionne. Espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Je vais faire ma place mais surtout pas où ta classe mérite. Espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Je ne pose pas de questions avant l'indique, la vie me passionne. Espoir dans ma cage thoracique et dans ma boîte crânienne. Tu sais c'est comment la réussite, tu sais que ça se mérite.